fille se prend pour un cheval. Marie, elle trouve ça ben normal. Avec ses sabots dans les pieds, elle pense juste à aller trotter. Go, petit galop. Go, mon petit galop. La vie courra, y'a plein de bruit. Oh yeah. Dans un centre chaud, j'ai ouvert une écurie. Je vends pas de cheval, juste des sabots. À chaque semaine, je vois ma vie. Viens voir ce qu'il y a de nouveau. Et je lui crie: go, go mon petit galop. Go, go mon petit galop. La vie courant, y'a que bruit. Et ça me fait penser à une chanson. Go, go mon petit galop. La vie courra, y'a peu toi, la vie courra, y'a peu toi, la vie courra, y'a peu toi, la vie courra, y'a peu toi, la vie courra, y'a peu toi, la vie courra, y'a peu toi, la vie courra, y'a peu toi, la vie courra, y'a peu toi, la vie courra, y'a peu toi, la vie courra, y'a peu toi, la vie courra, y'a peu toi, la vie courra, y'a peu toi, la vie courra, y'a peu toi.